un médecin, consulté 10 ans auparavant, parce qu'elle éprouvait des étouffements, avait parlé d'hypertrophie. Depuis lors, ce mot, dont elle ne comprenait guère la signification, s'était établi dans sa tête. Elle faisait tâter obstinément au baron, à Jeanne et à Rosalie, son cœur, que personne ne sentait plus, tant il était enseveli sous la bouffissure de sa poitrine. Mais elle refusait avec énergie de se laisser examiner par aucun nouveau médecin, de peur qu'on lui découvrît d'autres maladies. Et elle parlait de son hypertrophie à tout propos, et si souvent qu'il semblait que cette affection lui fût spéciale, lui appartint comme une chose unique sur laquelle les autres n'avaient aucun droit. Le baron disait « l'hypertrophie de ma femme » et Jeanne « l'hypertrophie de maman », comme ils auraient dit « la robe, le chapeau ou le parapluie ». Elle avait été fort jolie dans sa jeunesse et plus mince qu'un roseau. Après avoir valsé dans les bras de tous les uniformes de l'Empire, elle avait lu Corinne, qui l'avait fait pleurer, et elle était demeurée depuis comme marquée de ce roman. À mesure que sa taille s'était épaissie, son âme avait pris des élans plus poétiques, et quand l'obésité l'eut clouée sur un fauteuil, sa pensée vagabonda à travers des aventures tendres dont elle se croyait l'héroïne. Elle en avait de préférées, qu'elle faisait toujours revenir dans ses rêves, comme une boîte à musique dont on remonte la manivelle, répète interminablement le même air. Toutes les romances langoureuses, où l'on parle de captive et d'hirondelle, lui mouillaient infailliblement les paupières. Et elle aimait même certaines chansons grivoises de Béranger à cause des regrets qu'elle les exprime. Elle demeurait souvent, pendant des heures, immobile, éloignée dans ses songeries, et son habitation des peuples lui plaisait infiniment parce qu'elle prêtait un décor au roman de son âme, lui rappelant, et par les bois d'alentour, et par la lande déserte, et par le voisinage de la mer, les livres de Walter Scott qu'elle lisait depuis quelques mois. Dans les jours de pluie, elle restait enfermée en sa chambre à visiter ce qu'elle appelait ses reliques. C'étaient toutes ses anciennes lettres, les lettres de son père et de sa mère, les lettres du baron quand elle était sa fiancée, et d'autres encore. Elle les avait enfermées dans un secrétaire d'acajou portant à ses angles des sphinx de cuivre, et elle disait d'une voix particulière « Rosalie, ma fille, apporte-moi le tiroir au souvenir. » La petite bonne ouvrait le meuble, prenait le tiroir, le posait sur une chaise à côté de sa maîtresse qui se mettait à lire, lentement, une à une, ses lettres, en laissant tomber une larme dessus de temps en temps. Jeanne, parfois, remplaçait Rosalie et promenait petite mère qui lui racontait des souvenirs d'enfance. La jeune fille se retrouvait dans ces histoires d'autrefois, s'étonnait de la similitude de leurs pensées, de la parenté de leurs désirs. Car chaque cœur s'imagine ainsi avoir tressailli, avant tout autre, sous une foule de sensations qui ont fait battre ceux des premières créatures et feront palpiter encore ceux des derniers hommes et des dernières femmes. Leur marche lente suivait la lenteur du récit que des oppressions parfois interrompaient quelques secondes. Et la pensée de Jeanne, alors, bondissant par-dessus les aventures commencées, s'élançait vers l'avenir, peuplée de joie, se roulait dans les espérances.